Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 86. Ce que notre intelligence connaît dans les choses matérielles. L'intelligence ne connaît qu'indirectement les choses individuelles, infinies, contingentes et futures. 1. Notre intelligence connaît-elle les choses individuelles et particulières? Non, répond le philosophe, l'universel est connu par l'intelligence, et le particulier par les sens. La raison pour laquelle la connaissance directe des choses individuelles est dérobée à notre intelligence, c'est que, pour connaître les êtres matériels, nous en tirons par abstraction l'espèce intelligible. Le produit d'une telle abstraction étant une idée générale, l'intelligence ne connaît directement que les notions universelles, elle connaît le particulier, mais d'une manière indirecte, par un retour qu'elle fait sur les images sensibles dans lesquelles elle aperçoit les espèces intelligibles. De cette sorte, les choses particulières ne lui sont connues que d'une manière indirecte, et ce n'est que par un travail pour ainsi dire de réflexion qu'elle arrive à former cette proposition, Socrate est homme. 2. Notre intelligence peut-elle connaître des choses infinies? Notre intelligence est susceptible de connaître des choses infinies dans ce sens qu'elle est capable de recevoir une notion, puis une autre, et ainsi de suite, indéfiniment, mais elle ne peut connaître des choses infinies en réalité. Premièrement, l'infini ne se trouve pas en réalité dans les êtres matériels, il s'y trouve seulement en puissance, en tant que l'un succède à l'autre. En second lieu, il faudrait en avoir considéré tous les aspects, énuméré toutes les parties, ce qui est impossible. Note. Il n'est question dans cet article que de l'infini matériel, qui est de lui-même inconnu, parce qu'il n'existe pas. Quant à l'infini formel, qui est Dieu, il est parfaitement intelligible en soi. La faiblesse seule de notre intelligence nous empêche de le bien connaître ici-bas, mais au ciel nous le verrons en essence. Fin de la note. 3. Notre intelligence connaît-elle les choses contingentes? Il a été dit plus haut que l'intelligence perçoit directement et par elle-même les idées universelles, que les sens perçoivent les êtres particuliers. Nous dirons pareillement ici que les choses contingentes rentrent indirectement dans son domaine et directement dans celui des sens, mais que toutes les raisons universelles et nécessaires des choses contingentes lui reviennent directement. C'est pourquoi, si on considère les raisons universelles des choses sensibles, toutes les sciences rentrent dans celles de l'ordre nécessaire qui sont du ressort de l'intelligence. Mais si l'on ne considère que les choses en elles-mêmes, il y a une science qui s'applique aux êtres nécessaires, une autre qui embrasse les êtres contingents. Note. Il n'est rien de si contingent qui ne renferme en soi quelque chose de nécessaire. Ainsi cette proposition, Socrate court, énonce une proposition contingente en elle-même. Eh bien, cependant, le rapport entre courir et se mouvoir est nécessaire, car, du moment que Socrate court, nécessairement il se meut. Fin de la note. 4. Notre intelligence connaît-elle les choses futures? Les choses à venir peuvent être connues, ou bien en elles-mêmes, ou bien dans leur cause. Les connaître en elles-mêmes, c'est le propre de Dieu, dont le regard éternel embrasse le temps dans son cours entier. Mais nous pouvons les connaître dans leur cause, et si elles ont des causes dont elles soient la conséquence nécessaire, nous en avons une certitude scientifique, c'est ainsi que l'astronome prédit d'avance l'éclipse qui doit arriver. Si elle ne résulte de ses causes que la plupart du temps, Nous les connaissons par une conjecture plus ou moins probable. Saint Augustin a exprimé, dans ses confessions, l'opinion que l'âme a une certaine force de divination qui lui révèle naturellement l'avenir, lorsqu'elle s'isole des sens corporels. Mais, comme cette même manière de connaître n'est pas conforme à la nature de notre intelligence, qui reçoit plutôt ses connaissances par le moyen des sens, nous disons, nous, que les choses futures ne nous sont connues que par l'impression de certaines causes supérieures, spirituelles ou matérielles, spirituelles, c'est-à-dire par les impressions de Dieu, des anges ou des démons, et nous convenons que l'âme humaine est plus propre à recevoir ces sortes d'impressions lorsqu'elle s'isole des sens et des inquiétudes du dehors pour se rapprocher des purs esprits, matériels, telle que l'impression des corps célestes, et c'est ce qui peut avoir lieu lorsque l'influence de ces corps fait naître dans notre imagination les signes avant-coureurs des phénomènes qu'ils vont amener. Les animaux, qui ne suivent que leur instinct, éprouvent surtout cette impression, aussi leurs pressentiments sont-ils souvent plus infaillibles que ceux des hommes. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.